السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نقوم بكتشني سكلي دي الشيخ الفوزان حفظه الله dans une explication de نواقد الإسلام الذي الدرس السابع في شرح النواقد السادس. قال الشيخ رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc là, le cheikh va expliquer le sixième annuatif. Il a dit, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a dit, celui qui se raille d'une chose de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa récompense ou du châtiment de la religion, kafara, il devient mécréant. Dalil, c'est le verset dans sa Tawba, dit, est-ce dans Allah de ce verset, de son messager, que vous vous raillez, que vous vous moquez, la ta'tadiru, ne demandez pas pardon, ne demandez pas d'excuses, qu'al kafar tumba ala imanikum, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Cheikh Fazan a dit, قال رحمه الله السادس أي الناقد السادس من نواقد الإسلام السادس أجير لسيزم أنواتيف برميز أنواتيف الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا باب عظيم والذي قبله ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبغض والكراهة من أعمال القلوب والاستهزاء هو من أقوال اللسان. Le Cheikh a dit que ça c'est quelque chose de très important, Babun Azim, un chapitre très important. Et pareil, celui qui était avant, le fait de détester une chose, le fait de détester une chose avec laquelle le prophète est venu, une chose de la religion. Et il a dit que le fait de détester Al-Bourd ou Al-Karaha et d'avoir de l'aversion pour une chose de la religion, ça fait partie des actions du cœur. Ça fait partie des actions du cœur. Alors que le fait de se moquer et de se railler, ça c'est parti de la parole de la langue, de la parole de la langue. Mais وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد منهم فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال لهذا الرجل كذبت لكنك منافق أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن الوحي سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم أو قاله واحد منهم والبقية لم ينكروا عليهم. نعم. يعني que ce verset-là a été révélé suite au fait qu'un groupe de musulmans, ils étaient dans une bataille avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Tabouk. Ils sont réunis dans une assise et une personne parmi eux a parlé. Elle a dit, je n'ai jamais vu des gens comme nos qurras, c'est-à-dire nos récitateurs de Coran, ceux-là, avec un aussi gros ventre et aussi menteur, avec une langue aussi menteuse, c'est-à-dire qu'ils mentent beaucoup, et aussi lâche lors des batailles, Ya'nun Rasulallah. Et il visait par là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée. Et dans l'assise, il y avait un jeune parmi les Ansar qui s'appelle Aouf ibn Malik. Il a dit, tu es un menteur, et plutôt tu as menti, plutôt tu es un hypocrite. Tu as menti, mais plutôt tu es un hypocrite. Et je vais informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. Et il est parti pour aller informer le prophète. Et il a vu que la révélation l'avait déjà précédé. Et la révélation est descendue sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a informé, Azzawajal, de ce qu'ils ont dit dans leur assise. Ou plutôt de ce qu'une personne parmi eux a dit. Les autres n'ont pas blâmé. وَلَمَّا نَزَلَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَحَلَ مِنْ مَكَانِهِ هَذَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ولما بلغه هذا القول الشنيع فجاء هذا الرجل الذي تكلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد على قراءة الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Donc après ça, lorsque le verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de là où il était et il est monté sur sa monture, sur sa chamelle, lorsqu'il a entendu cette parole qui était atroce. Et cette personne-là qui a dit cette parole-là, elle est venue pour demander des excuses et s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au Rasulallah, au messager d'Allah, on ne faisait que yani, discuter et s'amuser, se divertir. Et on parlait de façon dont les voyageurs parlent pour enlever la fatigue du voyage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas retourné vers lui et il n'a rien dit. Et la personne a été attachée à la selle. Et le nasara, c'est la selle, ce avec quoi on tient la chamelle. Il était attaché à ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas, il ne calculait pas non plus, il ne se tournait pas vers lui. Et il faisait que réciter le verset. Il n'a rien rajouté au verset, il a juste dit le verset. Qu'Allah il a dit, « Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un » Est-ce que vous vous moquiez d'Allah, de ses versets et de son messager? Ne vous excusez pas et ne demandez pas d'excuses. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Ensuite, le Cheikh a dit, فقالوا جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين ليسوا منافقين دل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بعد إيمانه يرتد عن الإسلام هذا محل الشاهد من الآية إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل فلا يسمون بالمؤمنين إنما يسمون بالمنافقين وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى في الآية الأخرى في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم. نعم. الشيخ لدي que dans le verset il dit قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez certes mécru après avoir lu la foi. Ça, c'est la preuve que c'était des croyants, c'est pas des hypocrites. Et c'est aussi la preuve que celui qui se moque d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ce qui a été rapporté d'Allah azawajal de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et la Sunna, et qu'il mécroit après avoir eu la foi et qu'il devient un apostat. Et le Cheikh a dit que ça, c'est la preuve que yani, c'est les croyants, c'est pas des hypocrites à la base. Parce que si jamais avant. Il dit cette parole-là, ils étaient hypocrites. Il n'a pas dit dans le verset « Qad kafartum ba'da imanikum » Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Parce que les hypocrites ne sont pas des croyants. Les hypocrites ne sont pas des croyants de base. On ne les appelle pas « mu'minin ». On ne les appelle pas comme étant des croyants. On les appelle « les munafiqin » yani les hypocrites. Et dans un autre verset, Allah dit à Azzawajal « Wa laqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim » Il a dit qu'ils ont dit la parole du kufr et ils ont mécru après avoir eu l'islam, après avoir été musulman. Il n'a pas dit après avoir eu la foi. Non. Il dit « والإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقا في قلبه فقد يكون كافرا في الباطن وإن كان يظهر الإسلام وهذا هو المنافق والآية ليس فيها أنهم كفروا بعد إيمانهم بل فيها كفروا بعد إسلامهم ففرق بين مجرد الإسلام وبين الإيمان فرق بين مجرد الإسلام وبين الإيمان. Le cheikh a dit que l'islam c'est le fait de annoncer que la personne est rentrée dans l'islam de façon apparente, même si elle n'est pas véridique, même si elle n'est pas véridique dans son cœur. Et donc elle peut être mécréante en son intérieur, en elle-même, et extérioriser l'islam. Et c'est ça. Les hypocrites, ils annoncent qu'ils sont des croyants, des musulmans, alors qu'au fond de eux, ils sont mécréants. Donc le Cheikh a dit que dans ce verset-là, il n'y a pas de preuve qui montre qu'ils étaient croyants. Il a dit, إسلامهم. الدوزيام فيرسي اللي دي ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ça c'est à propos des hypocrites. Donc, il n'y a pas de preuve qu'ils étaient croyants, il a juste dit qu'ils étaient musulmans. Donc, il y a une différence entre le fait d'être musulman et d'être croyant. Donc, ça, c'est par rapport aux hypocrites. Il a dit que ce verset-là, dans sa Tawbah, ça prouve plusieurs choses qui sont très importantes. وأن من تنقص الله أن من تنقص الله فإنه يكفر مثل ما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه الآية وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ومثل ما قالت النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم هذا تنقص لله وكفر بالله جل وعلا. Premièrement, c'est que c'est obligatoire pour le musulman de respecter, de immensifier Allah Azza wa Jal et yani de l'exalter, et que toute personne qui le dénigre devient mécréant, comme les juifs ils ont dit, les juifs ils ont dit que la main d'Allah elle est fermée, que leur main soit fermée et qu'ils soient maudits suite à ce qu'ils ont dit. Ensuite il a réfuté leur parole, il a dit au contraire ses deux mains sont largement ouvertes, il donne comme il veut. Et ça m'a dit par rapport à ce verset-là, une faïda qui est citée à Nawawi dans son kitab Tibyan fi Adam Hamad al-Qur'an, c'est que ce verset-là dans Surat al-Ma'ida, quand la personne le récite, elle le récite à voix basse, elle ne monte pas sa voix. C'est ce qu'ils ont dit les salafs, quand on parle, quand on récite ce verset-là, donc on va dire Yahudu, Yadullahi Marloula. On baisse sa voix un petit peu, ensuite on monte la voix roulat aidihim wa lu'inu bima qalu, par respect pour Allah suite à cette parole qui est atroce. C'est ce qu'il a dit An-Nawawi dans son livre. Il a dit wa qawluhum inna Allah faqir wa nahnu aghniya, pareil la parole qu'ils ont dit les juifs, que Allah était pauvre et nous sommes riches, qui est la mécréance. Et pareil la parole des chrétiens qu'ils ont dit que inna Allah wa al-masih ibn Maryam, qu'ils ont dit que Allah c'est al-masih Isa, le fils de Maryam. Et il y a ça, c'est un dénigrement d'Allah, c'est de la mécréance par rapport à Allah Azza wa Jal. Thaniyan, an tanaqqus ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kufrun aydan, lian Allah jalla wa ala amara bi ta'dhimi ar-rasul wa tawqirihi wa ihtiramihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayllahi wa rasulihi wattaqu Allaha inna Allaha samii'un 'aliim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Deuxièmement, pareil, le fait de dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance aussi. Pourquoi? Parce que Allah il a ordonné à Zawiel de le respecter et de l'immensifier, sans bien sûr dépasser les limites, comme il est dans le verset dans Surat al-Hujurat, où vous les croyants, ne dévancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. Ensuite il a dit, ô vous les croyants, ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et n'haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, après, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé le cœur par la piété, ou pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à voix haute de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ça serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Dans l'autre verset, il a dit dans Sourate Nour, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Ensuite, le cheikh il a dit, والرسول صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة يا رسول الله يا نبي الله، ولا يقال يا محمد باسمه، إنما يخاطب بالرسالة والنبوة تعليما له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'appelle, on l'appelle en lui disant « Ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah », on ne dit pas « Ô Mohammed » avec son nom, par respect, suite à ce qu'Allah a dit dans le verset. Azzawajal. Il dit « Wa li hada, fallahu jalla wa ala yukhatibu bismi risala wa nubuwa. Fa li hada, fallahu jalla wa ala yukhatibuhu bismi risalati wa nubuwa. يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا إخبار، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Il a dit que c'est pour ça que Allah عز وجل lui-même il n'a pas appelé le prophète avec son nom dans le Coran, et il l'appelle en disant au toi le messager ou toi le prophète. Il n'a jamais cité son nom sauf lorsque il informe d'une chose, lors d'une information, comme dans certains versets où il a dit ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum, certes Muhammad n'est le père d'aucun parmi vos hommes. Dans un autre verset il a dit aussi et ceux qui ont eu la foi et font et fait des bonnes actions et qui ont cru à ce qui a été révélé à Muhammad et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il a dit wa hadha bab al ikhbar, ça c'est des informations, c'est pas un nida, c'est pas un appel. Il n'a jamais appelé le prophète dans le Coran avec son nom. Il l'appelle en disant ô toi le messager, ô toi le prophète. Amma al-mukhataba fa yukhatibu ar-rasula bismi an-nubuwati war-risalati fala taqul ya Muhammad fala taqul qala Muhammad innama taqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw taqul qala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى والذين آمنوا به أي الرسول وعزروه أي وقروه والتعزير يطلق يراد به التوقير والاحترام ويطلق يراد به التأديب مثل تعزير المخطئ وليس هذا هو المراد في حق الرسول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المراد التوقير والاحترام. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلة. Il a dit que ainsi, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas Muhammad il a dit, on dit le prophète il a dit, ou le messager d'Allah il a dit. Dans le verset Allah il a dit, Azza wa Jal, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ceux qui ont cru au messager, وَعَزَّرُوهُ وَعَزَّرُوهُ. Le cheikh a dit que التعزير, ça peut avoir deux sens. التعزير, ça peut avoir deux sens. Premier sens, c'est le fait de respecter le respect, et ce qu'il veut dans le verset, là, ici. Et deuxième sens, c'est une correction et une punition. Une correction et une punition pour une personne qui fait une erreur, ta'zir. Mais là, ce n'est pas ce qu'il veut dans le verset. Dans le verset, ce qu'il veut dire, وَتُعَزِّرُوا وَعَزَّرُوهُمْ, c'est-à-dire qu'ils l'ont respecté, ils l'ont immensifié. Dans le verset, il a dit, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُمْ وَتُوَقِّرُوهُمْ وَتُسَبِّحُوهُمْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Il a dit, pour que vous croyez en Allah et en son messager et que vous l'honoriez et reconnaissez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Pour que vous l'honoriez et reconnaissez, ça c'est par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le glorifiez, ça c'est par rapport à Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'il a dit le cheikh après « Wa tu'azziru wa tu'aqiruhu hada raj'un ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa tusabbihuhu bukatan wa asila hada raj'un ila Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. Donc la première partie du verset, وتعزروا وتوقروا, ça c'est par rapport au prophète, de le respecter, de l'honorifier et de reconnaître sa dignité. Et وتسبحوهُ, et de faire la prière et de dire sa gloire, de glorifier matin et soir, ça c'est par rapport à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est le droit d'Allah et ça c'est le droit du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit, ثالثا أن الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه لأنه من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره. Troisièmement, c'est que ce qui est obligatoire par rapport au Coran, c'est de le respecter, de l'immensifier. Le respecter, de l'immensifier. Pourquoi ? Parce que c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal, Et le mérite de la parole d'Allah sur le reste des paroles, c'est comme le mérite d'Allah sur sa création. C'est connu que la parole d'Allah, c'est un des attributs parmi ses attributs, comme dit Cheikh, parce que la parole d'Allah, c'est un attribut parmi ses attributs. Donc ce qui est obligatoire, c'est de respecter le Coran et de l'immensifier et de le préserver aussi. Ensuite, il dit « Rabi'an, an al-wajiba ihtiramu din l'islam » وعدم تنقصه أو انتقاد شيء منه لأنه دين الله وشرعه فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو ينتقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص واستهزاء وسخرية هذا هو الواجب نحو الله جل وعلا ورسوله ونحو دين الإسلام. Quatrièmement, c'est que ce qui est obligatoire par rapport à la religion, c'est de respecter aussi la religion et de ne pas la dénigrer ou de rejeter une chose de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est la religion d'Allah et sa législation qu'il a révélée. Ce n'est pas permis pour une personne de rejeter la religion, de la dénigrer ou de parler d'une version qui peut contenir de la raillerie ou de la moquerie par rapport à la religion. Et ça, c'est ce qui est wajib, ce qui est obligatoire par rapport à Allah et son messager par rapport à la religion. خامسا أنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرها واحترامها لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيجب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز انتقادها والاستهزاء بشيء منها ومن فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. Cinquièmement, c'est que aussi c'est obligatoire de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'immensifier et de l'honorer. Pourquoi ? Parce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est une révélation. C'est une révélation. Comme Allah dit dans le verset Azrael, "Man taqwanin hawa inhu illa wahyu yuha." Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien qu'une révélation. Il a déjà dit que la sunna, comme il dit avant, c'est que c'est une révélation dans le sens des hadiths, mais les termes viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les sens en tout cas ils viennent d'Allah, ça c'est une révélation. Et comme il a dit Cheikh Abdel Moussine aussi, la différence c'est que le Coran, le fait de le réciter c'est une adoration, alors que la sunna, le fait de la mettre en pratique c'est l'adoration. Par contre, le fait de réciter la sunna, c'est pas une adoration. Lire un hadith, c'est pas une adoration en soi. Ce qui est une adoration, c'est le fait de mettre en pratique la sunna et de l'appliquer. Ensuite, il a dit, سادسا, احترام العلماء لأن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والله رفع من شأنهم وأعلى مكانتهم وأعلى من مكانهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في هذه الجريمة تكلم هذا الرجل الشقي فقال ما رأينا متى قرائنا يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشمل لفظ القراء في هذا الوقت العلماء لأنه كان في ذلك الوقت وفي ذاك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما أما في الزمان المتأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه وإنما يجيد القراءة فقط لأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي العلماء هم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. Sixièmement, le fait que c'est obligatoire de respecter les hommes de science et les savants. Pourquoi ? Parce que ce sont les héritiers du prophète. Comme c'est dans le hadith qui est connu. Donc, dans le hadith, le prophète a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et que les prophètes n'ont pas laissé de dinar, ni de dirham, ni de nord, ni d'argent, mais ils ont laissé la science comme héritage. Et celui qui prend, il aura pris une part importante. Et ensuite, le Cheikh Fazan a dit « Wallahu rafa'a min sha'nihim wa a'la min makanihim » qu'Allah a élevé leur rang et montré aussi leur importance. Dans le verset, il a dit « Yarafa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات كالليل il élèvera un degré ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont eu la science. Darajat. Donc ces personnes-là qui ont parlé, ils ont fait un crime qui est le fait de parler en mal des savants qui sont les compagnons. Ils ont dit, on n'a jamais vu comme nos courroies, nos récitateurs. Et Cheikh a dit que si le courroie, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le courroie, à ce moment-là, dans, à l'époque des compagnons, quand ils disent le Qurra, ce n'est pas les récitateurs, ça veut dire les savants, ça veut dire les savants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les compagnons, celui qui lisait le Coran, il devient un savant, il est considéré comme un savant. Comme il a dit Cheikh Othaymine, que les compagnons, quand une personne lisait soit Al-Baqarah, soit Al-Imran, il disait Jaddafina, il devient quelqu'un de immense pour nous. Il est considéré comme un savant. Parce qu'à l'époque, quand ils lisaient le Coran, ils apprenaient aussi tafsir avec. Non, il a dit que ça, c'était à l'époque des compagnons. Mais à la fin du monde, ou à notre époque, ce n'est pas forcément le cas, parce que c'est possible que la personne qui lit le Coran, elle ne comprenne rien, qu'elle ne comprenne rien du Coran et de ses sens, et qu'elle ne soit pas un savant. Mais que juste, elle parfait la récitation, elle sait bien lire le Coran avec tajwid. Et il a dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de courroies récitateurs du Coran, beaucoup de courroies de récitateurs du Coran, et peu de fuqaha, de savants, qui ont la science de compréhension de la religion. Ça, c'est un hadith d'Ibn Mas'ud, qui est dans le Muwatta, il a dit « Antum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu yutalu fihi al-khutba wa yukassaru aw yukassaru al-salat wa sa'ati ala al-nas zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun qurra'uhu يطيلون الخطبة ويكسرون الصلاة. وكما قال il a dit que Abdullah ibn Mas'ud il a dit à certains compagnons que là les agréés tous vous êtes dans une époque où il y a beaucoup de savants de fuqaha et il y a peu de récitateurs du Coran et dans une époque où les gens font des khutbas qui sont courtes et font la prière du mois longue comme c'est la sunna. Et il a dit qu'il y aura une époque qui viendra dans lesquels ou dans laquelle les gens qui ont la science et les fuqaha seront peu, les gens qui ont la compréhension de la religion seront peu, et les gens qui sont des récitateurs, qui récitent le Coran seront nombreux. Et dans cette époque-là, les gens feront une khutba qui est longue et ils feront une prière du mois qui est courte, c'est-à-dire le contraire de la sunna. C'est ce qu'a dit là le cheikh, que « Liannu fi akhir al-zaman yakthurul qurra wa yaqilul fuqaha » Mais à l'époque des compagnons, les Qurra sont les Fuqaha. Ils disaient le Fuqaha, c'est pareil. C'est pour ça que dans beaucoup de hadiths, ils disaient le Qurra, Qara al-Qur'an, il a lu le Qur'an, ça veut dire que c'était un savant. Ou sinon, ils disaient Al-Qari, yani le savant, ainsi de suite. Donc, ces personnes-là, ils ont dit qu'on n'a jamais vu des récitateurs comme eux, c'est-à-dire les savants, et ce sont le prophète, selon le sallam en premier, ses compagnons, qu'elle les agrée. Donc, ils voulaient ici dénigrer les savants, ils voulaient ici dénigrer les savants. De l'époque qui sont les compagnons avec le prophète. Il dit ويؤخذ من هذا أن الذي يتنقص العلماء من أجل علمهم في أي وقت أنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة لأن هذا قال ما رأينا مثل قرائنا والقراء هم العلماء هذا يتناول العلماء في كل وقت والعلماء لهم احترامهم وإجلالهم لأنهم يحملون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحملون أو يحملون العلم ويبلغونه إلى الناس فيجب احترامهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقال صلى الله عليه وسلم إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر فالعالم له قدره والمراد العالم بشرع الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أهل خشة الله لأنهم يعرفون الله حق المعرفة فهم يجلونه ويعظمونه ويخشونه كلما زاد علم الإنسان زادت خشيته لله عز وجل فيجب احترام العلماء وتوقيرهم فمن تنقصهم فإنه يكون داخلا في معنى الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Il dit qu'on tire de cela que ceux qui dénigrent les savants, suite à leur science, peu importe l'époque, il rentre dans ce verset, il rentre dans ce verset-là. Et pourquoi? Parce que dans ce qu'ils ont dit, ils ont dit, on n'a jamais vu des personnes comme nos récitateurs, c'est-à-dire nos savants, les savants de l'époque. Et ça englobe tous les savants dans toute époque, dans toutes les époques. Le cher Fazan a dit que les savants, ils doivent être respectés et ils doivent être aussi exaltés. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux la science du Coran et la Sunna, et qu'ils portent aussi la science et ils la transmettent aux gens. Donc ce qui est obligatoire, c'est de les respecter. Et le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, Fadl al-alimi ala al-abid, ka fadl al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Que le mérite du savant sur l'adorateur, qui n'est pas un savant, c'est comme le mérite de la lune sur le reste des étoiles. Et ça, pourquoi? Parce que c'est connu que la lune, c'est la grande étoile qui éclaire les autres. C'est la grande étoile qui éclaire les autres, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elle est élevée. Elle est au-dessus de tout le monde. Et surtout, dans une autre riwaya, elle a dit « Kafad al-Qamar l'ilat al-Badr »« Kafad al-Qamar l'ilat al-Badr » Dans une riwaya, il a dit « Comme le mérite de la lune, la nuit de la pleine lune, la nuit de la pleine lune. » La nuit de la pleine lune, c'est au moment où la lune, elle est ronde. Et pareil pour le savant qui a sa science qui est complète, qui a regroupé un grand nombre de sciences, une grande quantité de sciences. Donc cette lune-là, elle éclaire et elle s'éclaire. Elle éclaire et elle s'éclaire. Et sa lumière, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est dans les ténèbres. Parce que c'est dans les ténèbres. Contrairement au soleil. Le soleil, c'est connu que c'est pendant la journée. Alors que la lune, c'est pendant la nuit, dans les ténèbres. Pareil pour les savants, ils éclairent les gens, ils s'éclairent eux-mêmes. Et ils sortent des ténèbres de l'ignorance et des égarements, ainsi de suite. Donc il a dit que pareil, le mérite de la lune, plutôt le mérite du savant sur les adorateurs, c'est comme le mérite de la lune sur le reste des étoiles. Sur le reste des étoiles. Dans un autre hadith, il dit « Inna l'alim, yastaghfir lahu man kullu shay, kullu shay hatta al-hitan fi al-bahr » Il a dit que le savant, toute chose demande pardon pour lui, toute chose demande pardon et fait doua pour lui, même les poissons dans la mer, Il a dit dans une autre riwaya que même la fourmi dans sa tanière, demande pardon pour le savant. Ensuite, le cheikh, il a dit « Fal'alimu lahu qadruhu » Il a dit que le savant, il doit être respecté, il a son rang. Et ce qui est voulu quand on dit le savant, c'est le savant de la science religieuse qui connaît la législation musulmane. Le savant de la législation musulmane. Comme elle a dit, « Innama yakhshallah min ibadi ulama » Certes, ce sont les savants qui craignent Allah comme il faut. Il a dit que les savants, ce sont les gens qui ont la crainte la plus importante d'Allah parce qu'ils connaissent Allah de façon correcte et comme il faut. Et il l'immensifie, et il l'exalte, et il le craigne. Et à chaque fois que la personne, sa science augmente, sa crainte d'Allah aussi, elle augmente. Donc il a dit, « Yajibu ihtiram ulama » Donc ainsi c'est obligatoire, et wajib de respecter les savants, et de les honorer. Et que celui qui les dénigre, eh bien, il peut rentrer dans le verset, « Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un »« Sabi'an ihtiramu umum muslimin afradun wa jama'at » Septièmement, il faut respecter le commun des musulmans, en général, que ce soit des personnes individuelles ou que ce soit des groupes. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour cette semaine. Hada wa Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.